Christus unser Traum ist, dass er unser Fokus ist. Et c'est pour cela tu permets à Jésus-Christ d'être ta concentration, que lui puisse être ton rêve en fait. The Lord speaks to us through the truth. Der Herr spricht zu uns durch die Wahrheit. L'Éternel nous parle à travers la vérité. And not through dreams. Und nicht durch Träume. Mais pas à travers des rêves. Are you getting it? Because Satan speaks a lot through dreams. Weil der Satan spricht sehr viel durch Träume. Parce que le diable parle aussi beaucoup à travers les rêves. Amen. If you are the type that follow dreams so much, Satan, you are a target for Satan. It's a matter of time. Der sich von Träumen leiten lässt, der durch Träume Entscheidungen trifft, Dinge tut und nicht tut, dann ist es nur eine Frage der Zeit, bis der Teufel dich manipuliert und packt durch Träume. Si tu es une personne qui aime bien rêver ou bien qui aime bien suivre les rêves, tu seras une cible pour le diable et le diable va te détruire. The devil cannot go through the truth. Der Teufel kann nicht durch die Wahrheit gehen. Because you already know the truth. Du kennst die Wahrheit schon. Mais si tu connais la vérité, le diable ne peut pas partir à travers la vérité pour te confondre parce que tu connais la vérité. He is the one that does not know the truth. Er ist derjenige, der die Wahrheit nicht kennt. C'est lui le diable qui ne connaît pas la vérité. Jesus called him a liar, the father of all lies. Jesus nennt ihn Lügner. Said there is no truth in him. Er sagt, es gibt keine Wahrheit in ihm. L'Éternel, Jésus-Christ appelle le diable le menteur, le père de tout le menteur, de tous les mensonges, et qu'il n'y a pas de la vérité en lui. We should be warned about dreams because for Satan to destroy home through dreams, to destroy relationship through dreams, to destroy a church, to a ministry through dreams. But if you know the truth is the freedom. Mm. Weil der Satan kann sonst ganz einfach durch Träume Streit bringen. Du kannst träumen, dass irgendjemand dir irgendwas wegnimmt, dir irgendjemand was antun möchte, obwohl diese Person mit dir in deiner Gemeinde ist. Und der Teufel kann so welche Träume nutzen, um dann Feindschaft und Zwietracht zu sehen zwischeneinander. Und wenn man halt diesen Träumen mehr Glauben schenkt, als das, was Jesus Christus über deine Geschwister und über dich selbst sagt, dann sind doch Probleme vorprogrammiert. Parce que le diable, lui, il aime bien détruire des relations, des églises, même des amitiés à travers des songes, des rêves. In the Old Testament, the Lord was speaking a lot through dreams. The New Testament, Jesus did not talk about dreams. Im Alten Testament. Do you see anywhere where Jesus talk about dreams? Wurde oft no über place. Träume gesprochen. It's always the truth. That is the freedom. Aber Jesus hat im Neuen Testament so gut wie nie über Träume gesprochen oder gesagt, lass dich von Träumen leiten. Sonst war immer es ging immer um die Wahrheit, die einen freisetzt. Dans l'Ancien Testament, l'Éternel n'a jamais dans le Nouveau Testament, l'Éternel a toujours parlé de la vérité parce que c'est seulement à travers la vérité que on a notre liberté. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. You know, because I know that some want to say, okay, the Lord speaks through dreams. Yeah, he can speak to you through dreams. If you refuse to listen through the truth, but in this, the period of the Holy Spirit, dreams should not be the old dreams. It should be the new dream. The new dream is the truth. Believing the truth and acting on it. It's like the old prophecy and the new prophecy. The old circumcision and the new circumcision. The old commandment and the new commandment. You can see they are all different. They are not the same. The old prayer and the new prayer. The old birthday. We celebrate birthday before. We celebrate the flesh. But the new birthday is Christ Jesus. Amen. You can see they are all different. Und man könnte jetzt sagen, okay, aber diese Leute, die früher im Alten Testament haben, Leute auch ganz normal Träume bekommen. Und der Herr hat auch schon mal durch einen Traum zu mir gesprochen. Ja, aber dieser Traum wird niemals die Wahrheit wird niemals, ein Wort. Genau, der Traum wird niemals der Wahrheit widersprechen. Ne? Und dieser Traum wird immer, wenn er von Gott wirklich ist, wenn er wirklich von Christus ist, wird dieser Traum auch die Wahrheit sein. Ja, es wird nicht gegen, genau, widersprechen. Es wird der Wahrheit nicht widersprechen, dieser Traum. Ne? Und es wird kein Widerspruch gegenüber der Wahrheit sein. Aber die Leute wollen diese alten Träume haben, wo sie, keine Ahnung, träumen, wie ihre Zukunft sein wird oder träumen, dass sie irgendwie wissen, wie jemand, keine Ahnung, also diese früheren Träume, die Propheten bekommen haben, sind halt nicht die Träume, die wir jetzt als Kinder Gottes bekommen sollten und wonach wir streben. streben sollten. Sondern unser Traum ist die Wahrheit, ist Christus, weil alles gibt es im Neuen und im Alten. Es gibt die alte Beschneidung und die neue Beschneidung. Die alte Beschneidung war am Fleisch, am Unterleib, aber die neue Beschneidung ist am Herzen. Genauso auch der alte Sabbat und der neue Sabbat. Der alte Sabbat war ein Tag, der neue Sabbat ist Jesus Christus selbst. Na, oder die Art und Weise, wie wir früher Geburtstag gefeiert haben, um das Fleisch zu verherrlichen, das Selbst zu verherrlichen. Und jetzt verherrlichen wir Christus, weil er unser Leben ist. Er ist unser Geburtstag. Es gibt immer alt und neu. En fait, on doit comprendre que la vérité, des rêves, dans l'Ancien Testament, il y avait beaucoup de rêves, oui. Mais dans le Nouveau Testament, on doit comprendre que quand on rêve, la vérité de l'Éternel, c'est pas le contraire de sa parole, c'est pas le contraire du Saint-Esprit. En fait, quand tu as un rêve, si ça vient de l'Éternel, tu vas voir que c'est la même chose que lui, comme sa vérité, c'est que le Saint-Esprit aussi va nous faire voir, ou bien ce qu'il a écrit dans la Bible. Mais si c'est pas de l'Éternel, et tu vas voir que c'est le contraire de sa parole. Praise the Lord. Hallelujah. Please, we quickly go through the message of today. We have a lot to also cover. Amen. Amen. Heavenly Word. Die himmlische Welt. We'll go there later, so that we start this. Heavenly Word. Die himmlische Welt. Le Amen. Monde céleste. Heavenly Word. We are born into heavenly world. Wir sind in einer himmlischen Welt geboren worden. Nous sommes nés dans un monde céleste. Amen. Amen. Heaven does not start once you die. It starts you living heaven from here. Der Himmel fängt nicht an, wenn wir sterben, sondern er fängt hier auf Erden schon an. Le ciel, ça commence pas dès qu'on meurt et quand on va mourir, là, le ciel commence. Donc ça commence déjà ici, au présent. We have been dealing with this message for some time now. Und wir sind jetzt schon seit einiger Zeit an dieser Botschaft dran. Il y a quelques temps qu'on est en train d'écouter ces messages ici. The Bible did not talk about just one heaven. It said heavens. Die Bibel spricht nicht nur über einen Himmel, sondern über die Himmel. Es gibt mehrere. Revelation 12, go there again. Offenbarung 12. La Bible ne parle pas d'un seul ciel. Il parle de plusieurs ciels. On va voir ça. Revelation 12, 12. Offenbarung 12, 12. On va le lire à Apocalypse 12, 12. Amen. The heaven is plural, not singular. Himmel ist Mehrzahl, nicht Einzahl. In der Mehrzahl, nicht in der Einzahl. Le ciel, c'est pluriel, c'est pas singulier ici. Revelation 12, 12. Offenbarung 12, Vers 12. Apocalypse 12, 12. Are we there, please? Yes. Amen. Ah, so can you help us to read 12:12? Darum sagt fröhlich ihr Himmel und die ihr darin wohnt. Wehe denen, die auf der Erde wohnen und auf dem Meer. Denn der Teufel ist zu euch hergekommen und hat einen großen Zorn, da er weiß, dass er nur wenig Zeit hat. Praise the Lord! Hallelujah. Those that don't believe that Satan is here. There are a lot that they don't want to hear anything about Satan. Viele, für die glauben, dass es den Satan nicht gibt, viele Leute, die vom Satan nichts hören möchten. Il y a beaucoup de gens qui ne croient pas au diable ou bien dit qu'il n'existe pas. Don't talk about Satan, talk about Christ Jesus alone. It doesn't work that way. Die sagen, er spricht nur über Christus, aber nicht über den Satan, dann funktioniert das nicht. Il y a beaucoup des églises, bien beaucoup de gens qui sont convaincus, ils disent oui, parle de l'éternel Jésus-Christ, mais ne parle pas du diable parce que à la base il n'existe pas. We have to know that there is opposition. Wir müssen wissen, dass es einen Feind gibt. Mais on doit savoir qu'il y a une opposition. Amen. We read the book of Isaiah some minutes ago. Amen. Near Satan, you know, was once called Lucifer, and he was in heaven, so close to God. He was an angel, one of the chief of angels. That he have, you know, he have his own department. He was of the music department. Head of the department. There were a lot of angels under him that he controlled, that he gave command, that they obeyed him. Wir haben eben das war Jesaja, ne? Haben wir gelesen über den Satan, als er noch Engel Lucifer war und wie krass seine Position war, dass er Herr über oder Kopf über ganz vielen anderen Engeln war. On vient de lire aussi à Isaïe, on vient de lire que le diable, il était le maître, il avait une grande position, une très haute position, et il était aussi la tête de beaucoup d'anges. Here the book of Revelation is telling us that Satan is here on earth. Hier sagt uns Offenbarung, dass der Satan hier auf Erden ist. Mais ici, à Révélation, on vient de lire que le diable, il est ici sur terre. Praise the Lord. À Apocalypse. He said, therefore rejoice, you heavens. Heavens. Freut euch, ihr Himmel. Il a dit que réjouissez-vous, vous ciel, vous cieux. Here is visible heaven for God's children. Dieser hier auf Erden ist der sichtbare Himmel für Kinder Gottes. Parce que ici pour les enfants de Dieu, cette terre ici, c'est aussi le ciel visible pour les enfants de Dieu. Jesus brought heaven into this world. Jesus hat den Himmel auf diese Erde gebracht. Jésus-Christ a emmené le ciel ici, le royaume des cieux ici sur terre. If you put something here, go to Matthew 4. Matthäus 4. Yes. 17. Matthieu 4, 17. Si on lit Matthieu 4, 17. Praise the Lord. Hallelujah. At the beginning of Jesus' ministry. Am Anfang der von Jesus Dienst, seinem Dienst. Avant l'œuvre de Jésus-Christ, avant qu'il puisse venir. Praise the Lord. Hallelujah. Are we there? Matthieu 4, 17. Matthieu 4, 4, 17. Matthieu 4, 17. Susie, you have us to finish. Von da an begann Jesus zu verkündigen und zu sprechen: Tut Buße, denn das Reich der Himmel ist nahe herbeigekommen. From that time Jesus began to preach and to say, repent, for the kingdom of heaven is at hand. A kingdom is not a religion. A kingdom is a country. Ein Königreich ist keine Religion, ein Königreich ist ein Land. Ici on lit que Jésus-Christ dit que repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Mais un royaume c'est pas une religion, c'est un pays, Jesus came with his own country. His own Jesus kingdom. Kam mit seinem eigenen Land, mit seinem eigenen Königreich. Jésus-Christ il est venu avec son propre royaume. In a kingdom there's always a king. In einem Königreich gibt es immer einen König. Dans un royaume, il y a toujours un roi. Jesus is a king. Jesus ist König. He's born a king. Amen. Er ist der geborene König. Et Jésus-Christ, il est ce roi-là, il est le roi qui est né. And we are his royal family. Und wir sind seine königliche Familie, wenn wir zu ihm gehören. Et si on appartient à Jésus-Christ, nous sommes sa famille royale. Are you getting it? Yes. He said, repent for the kingdom of heaven. It's at hand. It's about to come. Amen. Das Reich der Himmel ist nah. Go back to Revelation 12. Offenbarung 12. On va il nous a dit ici, repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Maintenant, on va repartir à Apocalypse 12:12. He said, therefore rejoice, you heavens, and you that dwell in them. Praise the Lord. Hallelujah. Until you are there in heaven, you can never rejoice. Und erst wenn du im Himmel bist, kannst du dich freuen. Il a dit, c'est pourquoi réjouissez-vous cieux et vous qui habitez dans les cieux. Donc ça signifie que si tu n'es pas dans le ciel, si tu n'habites pas dans le ciel, tu ne peux pas te réjouir. Amen. Amen. You know, people want to rejoice here on earth. Leute wollen sich freuen. Hier auf Erden, aber es ist eine falsche Freude. Il y a des gens qui veulent se réjouir ici sur terre, mais ça c'est une joie fausse. You know how you even know it's fake. Wisst ihr, wie man erkennt, dass sie eine verfälschte Freude ist? Tu sais comment reconnaître que c'est une joie qui est complètement faux? You can't be rejoicing today, tomorrow you are full of sadness. Du kannst dich heute freuen und morgen bist du voll von Trauer. Es ist verfälscht. Tu vas le savoir parce que aujourd'hui les gens dans cette terre, aujourd'hui ils se réjouissent et demain ils sont complètement tristes. Là, tu vois que c'est une fausse joie. Heavenly joy is forever. Himmlische Freude, aber es Christ für immer. Christ never changes. Christus verändert sich nicht. Er ist der gleiche gestern und für immer. Mais la joie de l'éternel, c'est pour toujours, parce que Dieu n'est pas, il ne change jamais. Amen. Donc aujourd'hui, c'est la même joie. Et we guarantee. Insurance. It's insurance. Yes, you are so insured in his joy, in his peace, in everything of Christ. You have guarantee. That guarantee is, there's no end to it. Und diese Freude ist eine Sicherheit in Christus. Also wir haben eine Sicherheit in Christus, weil seine Freude ewiglich ist. Nous dans Jésus-Christ on a, mais avec Jésus-Christ on a une assurance, on a une garantie que sa joie c'est pour toujours, que lui il est pour toi, qu'il est, oui, il est l'éternité, et c'est pour cela que ça nous donne de la joie pour toujours. He said, woe to the inhabitants of the earth and of the sea, for the devil is come. know, Jesus is warning us against the devil. Jesus warnt uns hier vor dem Satan. Ici, on voit que malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu. Donc, ça signifie qu'on voit que le diable est en train de nous à provenir du diable. Il dit, for the devil has come unto you. Having great wrath, because he knows that he has but a short time. His time is so short. Seine Zeit ist so knapp, seine Tage sind gezählt. Er will nicht allein in die Hölle gehen. Ici, on voit que Jésus-Christ nous prévient du diable et dit que parce que il a une grande colère sachant qu'il a peu de temps. Christ's world is heavenly world. Die Welt von Christ ist eine himmlische Welt. Le monde de Jésus-Christ c'était un monde céleste. Amen. There's nothing of Christ that is earthly. Es gibt nichts von Christus was irdisch ist. Il y a rien de Christ qui est terrestre. And that's why you should must stop. You have to stop expecting things from here. Deswegen musst du aufhören, Dinge von hier zu erwarten. Et c'est pour cela que tu dois arrêter de t'attendre de quelque chose de terrestre. The husband, you know, if you have husband coming from Christ is heavenly husband. The wife coming from Christ is heavenly wife. Anything coming from him, they are no longer, you know, rod coming from him was not heavenly rod. Amen. You remember the rod of Moses now becoming the rod of God. Are you getting it? The soul that was once here now become the Christ. Can you see everything coming from him? They are all heaven. Alles, was von Jesus kommt, ist himmlisch. Ne? Genauso wie dieser Ehepartner, den er dir geben wird, wird vom Himmel sein. Genauso wie auch als Mose diesen Stab hatte und als Mose den Stab den Herrn übergeben hat und er den Stab zurückbekommen hat, war es ein himmlischer Stab, weil es vom Herrn war, weil der Herr himmlisch ist. Deswegen ist alles, was er gibt, himmlisch. On va savoir que tout ce qui nous appartient, tout ce que l'Éternel va nous donner, tout ce qu'on va posséder de l'Éternel, ça sera céleste, tout comme ton mari que tu auras, ça sera un mari céleste, surnaturel. Ou bien même, on le voit aussi avec l'exemple de Moïse, par exemple, le bâton qu'il avait, c'était un bâton normal, mais quand c'est l'Éternel qui lui a redonné ce bâton-là, ce bâton est devenu céleste. Donc tout est surnaturel et tout ce qu'il nous donne, c'est céleste. Amen. Amen. We always limit the Lord. Wir limitieren den Herrn immer. Mais nous, on limite toujours l'Éternel. Amen. By expecting that of the natural. Indem wir irdische Dinge erwarten. On lui limite toujours parce qu'on s'y attend toujours de quelque chose, des choses naturelles. Amen. Your result, your report is coming from heaven. Dein Ergebnis kommt vom Himmel. Nos résultats, ça vient du royaume des cieux. Amen. Amen. Amen. It's not coming from any professor. Es kommt nicht von irgendeinem Professor. Ça ne vient pas de n'importe quel professeur. Amen. Amen. Because you are in this world, but not of this world. Denn du bist auf dieser Welt, aber nicht von dieser Welt. Except you call the Bible a lie. Es sei denn, du nennst die Bibel eine Lüge. Parce que toi, tu es dans ce monde, mais tu ne viens pas de ce monde. Sauf si tu dis que la Bible dit des mensonges. Let me say this. If you know, it's not this message is not even for everybody. Diese Botschaft ist nicht mal für jeden. Ce message c'est même pas pour tout le monde. It is only for those that have relationship with the Holy Spirit. Es ist für die Beziehung mit dem Heiligen Geist haben. C'est seulement pour ceux qui ont une relation avec le Saint-Esprit. Because you can never understand it. Denn du wirst es niemals verstehen. Tu ne seras jamais capable à le comprendre. It is like David and Jesus Christ. C'est tout comme David et Jésus Christ. C'est tout comme David et Jésus Christ. Remember it. In the natural, David is the father of Jesus Christ. Im Natürlichen ist David der Vater von Jesus Christus. Dans le naturel, on voit que David c'est le père de Jésus Christ. In the spirit, David called Jesus Lord. Im Geist. If you are until you are in the spirit, that's why the power of the Holy Spirit, we need him so much. Im Geist konnte David Jesus Herr nennen, obwohl er physisch gesehen ja viel, viel älter ist als Jesus. Mais dans l'esprit, David a appelé Jésus-Christ mon Dieu, mon Seigneur. Et malgré que ça n'a pas de sens, parce que Jésus-Christ, quand on voit dans l'histoire, il est né après David. The natural man cannot understand the things of Christ. Der natürliche Mensch kann die Dinge von Christus nicht verstehen. Mais l'homme naturel n'est pas capable à comprendre les choses célestes. That you already in heaven was God children, it doesn't make sense. Dass du schon im Himmel bist, als Kinder Gottes, als Kind Gottes, das macht keinen Sinn für natürlich gesunden Menschen. Quand tu dis à un être humain que toi tu es déjà au royaume des cieux, un être naturel ne va pas le comprendre. Are you getting it? Mm-hmm. So you are in heaven, you are sick, you are in heaven, you are, don't have money, you are in heaven, look at everywhere, look at how things are. We don't walk by sight, we walk by faith. We walk by Christ Jesus. Jesus did not need to bring earthly things here. Earthly things, they're already here. He came with heavenly things. The earlier you believe, the better for you. Und Leute können sagen, okay, du bist schon im Himmel, aber wie sollst du dann immer noch Durst, Hunger, musst auf Toilette und hast Rechnungen, wenn du anscheinend schon im Himmel bist. Beim Himmel gibt es doch all diese Sachen nicht. Aber Christus hat ganz klar gemacht, dass es geht nicht um diese physischen Sachen, es geht um ihn, um sein System. Und der Herr hat auch nicht das, er musste kein irdisches System auf die Erde bringen, denn das ist schon hier gewesen. Mhm. Er hat das Himmlische hier auf Erden gebracht, weil das gab es hier noch nicht. Mhm. En fait, il y a beaucoup de gens qui se disent, mais comment tu dis que tu es au royaume des cieux, parce que toi, tu parles à la toilette comme toute autre personne, tu n'as pas d'argent, tu es en train de souffrir ici, tu as faim comme moi, comment tu peux dire que tu es dans le royaume des cieux? Mais ils ne comprennent pas que Jésus-Christ, il a son propre système, donc il n'est pas venu pour... il a emmené son système, se laisse ici dans ce monde. You know, just like the natural man, they could not be as natural people, they could not believe that Jesus Christ was God. Genauso auch der natürliche Mensch konnte nicht glauben, dass Jesus Christus Gott ist. Und das können sie auch nicht akzeptieren. Tout comme les gens de ce monde ne peuvent pas accepter que Jésus-Christ c'est Dieu. On va aussi le dire. Praise the Lord. Hallelujah. Johannes, John 14. Johannes 14. John 14. Vers 4. John 14, 4. Are we there, please? John 14 from verse 4. Johannes 14, Vers 4. Praise the Lord. Hallelujah. I love the Bible. Ich liebe die Bibel. Amen. If you know the truth, you love the Bible. Wenn du die Wahrheit kennst, wirst du die Bibel lieben. Moi, j'aime bien, j'adore la Bible. Et si toi, tu aimes la vérité, tu vas aussi aimer la Bible. Parce que c'est très intéressant. Amen. Amen. From verse 4, he said, and whither I go, you know, and the way you know. Amen. Jesus throwing something at them, something that they cannot even understand. Jesus threw it at them. Schießt hier mit Munition, die keiner kennt. Jésus-Christ dit ici qu'il est en train de tirer avec des munitions que personne ne connaît, parce qu'il dit, vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Verse 5. Les gens sont confus. Amen. Thomas said unto him, Lord, we know not whither thou goest, and how can we know the way? Can our sister here help us to read? Verse 6. Verse 6. Jesus spricht zu ihm, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Jesus said unto him. You know, here Thomas said, you know, you have to look at what Thomas said first. Thomas said unto him, Lord, we know not whither thou goest, and how can we know the way? Jesus said unto him, I am the way. If you know me, you know the way. Amen. If you know me, you see, I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father but by me. Amen. Jesus sagt, wenn du mich kennst, kennst du den Weg. Wenn du mich kennst, kennst du den Vater. Ici, Jésus-Christ dit que moi, je suis la vie, la vérité. Si tu me connais, tu connais le Père. Et si tu connais le Père, tu me connais aussi. You know, they never see the Father in him. Sie haben den Vater nie in ihm gesehen. Parce que ici, ils n'ont pas vu le Père dans le Christ. They never believe he is the Father. Sie haben nie geglaubt, dass der Vater ist. Ils n'ont jamais cru qu'il est le Père. Amen. They never believe that, you know, he and the Father, they are one and not two. Sie haben nie geglaubt, dass der Vater eins sind und nicht zwei. Ils n'ont jamais cru que lui et le Père, ils sont Ils ont jamais cru que Jésus-Christ est le Père, ils sont un et ils sont pas deux personnes. Because Jesus sweat like them, he was Jesus hungry like them. Hat sie geschwitzt? Had to go to the bathroom, go to the toilet. Auch auf Toilette gehen. You know, do everything parce like que them. Eux, ils ont vu Jésus-Christ tout comme like nous. Ils ont vu que Jésus-Christ était en train de transpirer, de partir. Il avait faim et il dormait. Il était fatigué comme eux. Et c'est pour cela qu'ils pensaient qu'il ne peut jamais être le Dieu. Are you getting it? No. If you walk by sight, you never call Jesus God. Wenn du per Sicht gehst, wirst du Jesus niemals Gott nennen. Mais si toi, tu es... Tu as tes cinq sens qui sont vraiment trop visibles. Tu crois qu'avec tes cinq sens, tu peux jamais croire que Dieu, Jésus-Christ est Dieu. Just like if you walk by sight, you will not believe you're already in heaven. Genauso wie wenn du per Sicht gehst, wirst du auch nicht glauben, dass du schon im Himmel bist. Et tout comme si tu vas même pas aussi croire, tu seras pas capable à croire que qu'il y a un royaume des cieux. Amen. Look at verse 7. Vers 7. Verset 7. J.K., can you help us to read verse 7, Schatz? Wenn ihr mich erkannt hättet, so hättet ihr auch meinen Vater erkannt. Und von nun an erkennt ihr ihn und habt ihn gesehen. If you have known me, you should have known my Father. Also. And from henceforth, you know him and you have seen him. It's so clean and clear. So, Jesus, it's, you know, people cannot, they could not even believe. They could not believe it. Mm-hmm. So also, God's children cannot even believe that they are already in heaven today. Und genauso können Kinder Gottes nicht glauben, dass sie schon im Himmel sind, weil sie per Sicht gehen und nicht per Glauben. Ici, la Bible, Jésus-Christ dit que si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissiez et vous l'avez vu. Donc, ça signifie, c'est clair ici, il dit que lui et le Père, ils sont un. Et c'est pour cela que les enfants de Dieu, aujourd'hui, ils ont même du mal à croire que Dieu est Jésus-Christ ou bien que le royaume des cieux existe parce qu'ils ne sont pas capables à le comprendre. The wealth here is too small for you. Der Reichtum hier auf Erden ist zu klein für dich. La richesse de ce monde est trop peu pour nous. It's only heaven that can contain your wealth. Nur der Himmel kann dein Reichtum tragen. C'est seulement le royaume des cieux qui est capable à apporter toutes tes richesses. Praise the Lord. Amen. The wealth here, you know, is just too small. Die Dinge hier sind zu klein für dich. Parce que les choses ici terrestres, si tu essaies de c'est que tu possèdes en esprit, si tu essayes de le mettre ici, dans le physique, dans le naturel, ça sera trop, en fait. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. I'm not saying walking by religion. Ich sage nicht, per Religion zu wandeln. Je ne dis pas qu'on doit marcher dans la religion. If you are of religion, you are here of the earth. Weil wenn du religiös bist, gehörst du zu dieser Welt. Parce que si toi tu es religieux, tu appartiens à ce monde ici. I'm talking about Christ Jesus. Ich spreche über Jesus Christus. Mais moi par contre, je parle de Jésus Christ. Once you come to Christ Jesus, you don't belong here any longer. Wenn du zu Christus Jesus gehörst, gehörst du nicht mehr zu dieser Welt. Parce que si tu appartiens à Jésus Christ, tu n'appartiens plus de ce monde. You know, here, you know, man and religion, they are the same. Mensch und Religion sind gleich. On doit comprendre que l'être humain et la religion c'est une seule chose. Amen. You know, man, a lot do not even know. They don't talk about God, but religion talk about God a lot. But the system of man, are you getting it? Der Mensch redet zwar nicht viel über Gott, aber Religion spricht über Gott, aber nach dem System der Menschen. L'être humain ne parle pas beaucoup de Dieu, mais la religion parle toujours de Dieu, mais selon le système de ce monde. Are you getting it? Mm. Put something here. Let's go to John. Matthew 16. Matthew 16. On va lire Matthieu 16. Matthew 16. That's reach for. Verse 20. À partir du verset 20. Amen. He says, then charge he his disciples that they should tell no man that he was Christ, the Jesus the Christ. You see it there? Amen. 21. From that time forth began Jesus to show unto his disciples how that he must go into Jerusalem and suffer many things of the elders, and chief priests and scribes, and be killed, and be raised again the third day. Verse 22. Then Peter took him and began to rebuke him, saying, be it far from thee, Lord, this shall not be unto thee. 23. But he turned and said unto Peter, get thee behind me, Satan. You see there. Can our sister read it. Verse 23. Er aber wandte sich um und sprach zu Petrus, weiche von mir, Satan. Du bist mir ein Ärgernis, denn du denkst nicht göttlich, sondern menschlich. Praise the Lord. Mais Jésus-Christ se retourna à dit à Pierre, avertis-moi Satan, tu mets un scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles de l'homme. He said, get thee behind me, Satan. Thou art an offense unto me, for thou serveth not the things that be of God, but those that be of men. Praise the Lord. Hallelujah. Are you getting it? Mm-hmm. There's a difference between heaven and here. Amen. Es gibt einen Unterschied zwischen Himmel und hier. John 14. Ici on voit qu'il y a une différence entre le ciel et ici. Amen. On va rentrer à Jean 14. Jean 14, verset 8. Philip said unto him, are we there, please? You see it. Aqua, can you help us to read verse 8? Philippus spricht zu ihm, Herr, zeige uns den Vater, so genügt es uns. Philip said unto him, Lord, show us the Father. Jesus has just said that you have seen the Father once you see me. Verse 7. Jesus sagt, du hast den Vater gesehen, wenn du mich gesehen hast. He says, if you have known me, you should have known my Father also. And from henceforth you know him and have seen him. You understand me? You just told them that you have seen the Father. Once you see me, you see the Father. Mm-hmm. And here Philip is saying, said unto him, Lord, show us the Father, and we will be satisfied. En fait, on voit que Jésus-Christ venait de les dire, a dit à verset 6 que si tu vois, si vous voyez le Père, vous me voyez, vous avez vu le Père. Mais en verset 8, on voit qu'ils ils n'ont pas toujours compris, vu que Philippe dit à Jésus-Christ, il continue à insister, il dit, Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. Donc, il n'a pas compris que Jésus-Christ et le Père, ce sont une personne. You know, we are still like this today, like Philip. Wir sind immer noch so wie, einige von uns sind immer noch so wie Philippus. Amen. Amen. We are still like Philip. Et beaucoup d'entre nous sont toujours comme Philippe. The Lord will say you already have victory. You want to see. Du hast schon den Sieg. Until I see it, I cannot believe. Aber du sagst, nee, ich muss erst mal sehen, bevor ich glauben kann. Are you getting it? Mm. The Lord show it to me. I want to see it. I want to see it with my natural eyes. That's what Philip is saying here. Show us the Father, because we cannot believe that you are the Father. Show me the let me pass like them, because I cannot believe I already have victory. Yeah. Are you getting it? Wir sagen dann, okay, lass uns die Prüfung genauso bestehen, so wie die anderen, weil erst dann glaube ich, dass ich auch wirklich schon bestanden habe. Na und das ist genau das, was hier passiert. Et si nous sommes vraiment comme quelquefois nous les enfants de Dieu, nous sommes vraiment comme Philippe, parce que malgré l'Éternel nous dit qu'il a déjà nous a déjà donné une victoire, que avec lui on a déjà toutes sortes de victoires. Nous on continue à dire mais l'Éternel, mais je veux d'abord voir que mes examens, que je les ai déjà réussis, pour vraiment croire que tu me l'as déjà donné, parce que ça me suffit pas apparemment que je puisse me dire que en toi j'ai déjà tout. Until you pass like that, you know you want the king that they want, that they desire. You want everything that they desire until you have it like them. You never believe you have it. Ja, erst wenn du so hast wie sie, dann glaubst du es. Du willst genauso wie sie einen König. Du willst genauso wie sie die gleichen Ergebnisse. Aber das ist bösartig. Damit bist du bösartig, wenn du diese gleichen, dieses gleiche Verlangen hast wie diese Welt. Toi, tu attends d'avoir les mêmes résultats que eux, que le monde. Et tu veux d'abord croire quand tu as le même résultat que le monde. Et ça, c'est vraiment quelque chose de mauvais. On ne doit pas être comme le monde. You know, if it's them, the Lord is telling you, you have victory. You are saying, I don't have victory. I want to see it. Then show them the Lord. Your victory is the Lord. Mm-hmm. It's Christ Jesus. Mm-hmm. Are you getting it? Then Erfolg ist der Herr. There's nothing bigger than him. No, there's no report or result is bigger than Jesus. Nichts und niemand größer als Jesus Christus. Les gens te disent, ils veulent voir ton résultat. Tu dois dire que mon résultat, c'est Jésus-Christ. C'est parce que Jésus-Christ est ton résultat. Il n'y a rien qui est plus grand que Jésus-Christ. You search yourself. Are you different from Philip? Wir müssen uns selbst prüfen. Sind wir anders als Philippus? Et nous, on doit vraiment s'examiner nous-mêmes. Est-ce que toi, tu es différent que Philippe ou bien tu es comme lui? Jesus said unto him, have I been so long time with you? And yet had thou not know me, Philip? You are becoming somehow becoming to church. You know, your relationship with Christ. You see yourself even mature. You even are even growing. But upon all, you cannot still believe it. Ihr geht zur Gemeinde. You cannot still trust him. Und eure Beziehung mit Jesus Christus geht eigentlich schon weiter, aber dennoch könnt ihr ihm nicht vertrauen und glauben. Donc, on voit, on part à l'église, on essaie d'avoir une relation avec l'Éternel, mais on voit, est-ce qu'on est en train d'avoir une maturité? Est-ce qu'on est en train de grandir? C'est ça la question. I can imagine how painful it was to for Jesus. Kann mir vorstellen, wie schmerzhaft das war für Jesus. I've been so long with you, and upon all, you cannot even believe. So lange bin ich schon bei euch, und ich kann you cannot believe me that I'm with you. How much more others that have sight? Wenn ihr mir noch nicht mehr glauben könnt, die in meinem engsten Kreis seid, wie sollen wir denn die anderen glauben, die noch von mir hören werden? Verset 9, Jésus dit que il y a si de temps que je suis avec vous et tu m'as pas toujours connu, Philippe. Donc il était vraiment triste. Ça l'a vraiment choqué que il est en train de se répéter, mais Philippe n'a pas toujours compris combien de plus les gens dans ce monde qui n'ont même pas marché avec Jésus-Christ physiquement. Il y a beaucoup de gens qui sont encore plus pires. Jesus is telling them, take your eyes away from the flesh. Jesus sagt, ihr nehmt eure Augen weg vom Fleisch. Ici, Jésus-Christ dit clairement qu'on doit vraiment enlever nos yeux vers la chair. De la chair. Take your eyes away from the flesh. Er sagt, nimm deine Augen Start weg vom Fleisch. Hört auf, per sich zu wandeln. Enlève tes yeux de la chair. Arrête de marcher selon la vue. Start working hard to get what they have. Hör auf, hart zu arbeiten, das zu bekommen, was sie haben. Arrête de travailler dur pour obtenir ce que eux ici ils ont. Instead, work hard to believe Christ. Arbeite stattdessen hart daran, Christus zu glauben. Mais tu dois apprendre à travailler, à croire. Donc ton travail doit être de croire en Jésus-Christ, de croire à l'accomplissement de son œuvre. Look at the verse 9b. All of us will read it together. Vers 9, zweiter Satz. On va lire. After Philip. Vers 9, zweiter Satz. From here, everybody will read. On va lire verset 9, deuxième partie. Wir lesen zusammen. From here, amen. Want to go. Praise the Lord. Hallelujah. He said, he that has seen me has seen the Father. And how said that day, show us the Father. Don't believe me. Amen. Amen. I want to see the result. I have confessed, and I said I have victory. I have you. I confess you. I want to see it. You have seen it. You have him, and you have seen it. Amen. Wir wollen diesen Sieg über unser Leben bezeugen. Aber er sagt, ja, bezeuge eben Christus, denn er ist derjenige, den du schon hast. Et si, il nous dit qu'on doit vraiment confesser l'Éternel, parce que c'est Jésus-Christ que tu as. Praise the Lord. Hallelujah. Believe us, that I am in the Father and the Father in me. The words that I speak unto you, I speak not of myself. But the Father that dwelleth in me, he doeth the works. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Obey Christ's voice. Stimme von Christus gehorchen. So funktioniert es in der Welt von Christus. Jésus-Christ dit que ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est dans moi? On doit comprendre que obéir la voix de Jésus-Christ, c'est ça la chose qui est la plus importante. Obeying Christ's voice and not obeying religion. Der Stimme von Christus gehorchen und nicht Religion gehorchen. On doit obéir la voix de Jésus-Christ et pas la voix de la religion. Obeying Christ's voice and not obeying Moses' voice. Der Stimme von Christus gehorchen und nicht der Stimme von Mose. La voix du Christ. C'est ça qu'on doit obéir et pas la voix de Moïse. There's a difference between Moses' voice and Christ's voice. Es gibt einen Unterschied zwischen der Stimme von Mose und der Stimme von Jesus Christus. Parce qu'il y a une différence entre la voix de Jésus-Christ et la voix de Moïse. In John 15, verse 3, Jesus said, "Without me, you can do nothing." He said, "The word that I speak unto you, my word cleanse you." Let's go there, so that I will not misquote it. Go to John 15, verse 3, please. Er sagt, mein Wort reinigt euch. Johannes 15, verse 3. On va lire à Jean 15, verset 3, parce qu'il a dit que ma parole vous rend pure. Are we there, please? Verse 3. He said, now you are clean through the word which I have spoken unto you. You see there? This word cleanses us. Sein Wort reinigt uns. Jean 15, 3, déjà vous êtes pur à cause de la parole que je vous ai annoncée. The verse 5 said, I am the vine, you are the branches. He that abideth in me, and I in him, the same bringeth forth much fruit. For without me you can do nothing. Praise the Lord. Hallelujah. Without my word, without my truth, ohne meine Wahrheit, Satan will win. Wird der Satan gewinnen? Ici il dit que car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Donc sans ma parole, le diable sera capable à vous vaincre. Praise the Lord. Hallelujah. And first Peter helps us to know how to be clean. Erster Petrus wird uns erklärt, wie wir unsere Seele reinigen durch die Wahrheit. Et un Pierre va nous expliquer comment rendre notre âme pure à travers la vérité. Once you are born again, the truth is already in your spirit. Wenn du wiedergeboren bist, ist die Wahrheit schon in deinem Geist. Parce que quand tu es né de nouveau, la vérité est déjà dans ton esprit. Your soul needs to be born again. Aber deine Seele muss wiedergeboren werden. Et ça manque seulement que ton âme puisse être née de nouveau. Go to 1 Peter 1. 1 Petrus 1. On va le lire à 1 Pierre 1. 1 Petrus 1. 1 Pierre 1. Praise the Lord. Hallelujah. Verse 22. 22. 1 Pierre 1, 22. Are we there, please? 1 Peter 1 verse 22. Praise the Lord. It says, "Seeing you have purified your souls in obeying the truth." Obeying the truth is how you are clean. Der Wahrheit gehorchen. Problem never clean you, but obeying the truth, that is how you clean. Probleme reinigen unsere Seele nicht, sondern der Wahrheit gehorchen. Ici on voit que ayant purifié vos âmes en obéissant la vérité, on purifie nos âmes à travers la vérité et pas à travers les problèmes. Amen. Yeah. Then it's not talk about the fruit. Und spricht jetzt über die Frucht. The fruit. They say through the spirit, unto unfailing love of the brethren is the fruit. The love for one another is the fruit of our purification of the soul. Die Liebe füreinander ist die Frucht unserer Reinigung. Donc l'amour qu'on doit avoir l'un vers l'autre parce qu'il nous a dit d'obéir à sa vérité et sa vérité qu'on doit vraiment avoir l'amour l'un pour l'autre et l'amour qu'on a l'un pour envers l'autre, c'est aussi une sorte de purifier notre âme. Amen. Amen. Praise the Lord. Amen. Amen. Amen. Your soul, the part of you that worries. Deine Seele, der Teil von dir, der sich Sorgen macht. Notre âme, donc la partie de toi qui se soucie. The part of you that is full of fear. Der Teil von dir, der voll von Furcht ist. C'est aussi la partie de toi qui a toujours peur. How to clean those evil away from your soul is by obeying the truth. Wie wir dieses Böse von unserer Seele wegmachen, sind wir der Wahrheit gehorchen und ihr glauben. Comment purifier cette partie-là, la partie qui se soucie, qui a peur, comment le faire? C'est quand tu obéis à la vérité. How to be clean. Wie wir rein sind. Et c'est comme ça qu'on se purifie. The old was about Moses. Im Alten ging es um Mose, um die Stimme von Mose. Dans l'Ancien, il s'agissait de la voix de Moïse. On va le lire à Marc 7. Marc 7. Marc 7. Praise the Lord. Hallelujah. Marc 7. Marc 7. Mark 7, Vers 10. Markus 7, Vers 10. Oh, Mark 7, Vers 10. Markus 7, Vers 10. Denn Mose hat gesagt, du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren. Und wer Vater und Mutter flucht, wird zum Tod sterben. You see that? Mm-hmm. He said, Moses said, honor your father and your mother. Moses. And not him. Ich sehe, dass Mose gesagt hat, dass wir Mutter und Vater ehren sollen. Mose hat das gesagt, nicht er. Ici, on dit que, mais, Moïse a dit que tu dois honorer ton père et ta mère. Et c'est lui qui maudira son père et sa mère sera puni de mort. Here, Jesus is quoting Moses. Hier zitiert Jesus Mose. Ici, c'est Jésus-Christ qui est en train de citer Moïse. He said, for Moses said, honor your father and your mother. And who so curses father or mother, let him die the death. Praise the Lord. That is the old. Das ist das Alte. Ça, c'est l'ancien. And that's what people are following today. Und about das, the flesh. Und das ist das, was Menschen heutzutage nachfolgen. Et ça, l'ancien, c'est ce que les gens sont en train de suivre. Ça, c'est la chair. Amen. But the new is obey the voice of Christ and not the voice of Moses. Im neuen Bündnis geht es darum, der Stimme von Jesus Christus nachzufolgen, ihr zu gehorchen. Und nicht der Stimme von Mose. Mais dans la nouvelle alliance, il s'agit de suivre la voix de Jésus-Christ et pas la voix de Moïse. In John 6:63, Jesus said, "The word that I speak unto you, their spirit, their life." Amen. The word that I speak. In Johannes, wo war das? Johannes 3? Dans Jean 6:36, Jésus-Christ dit que la parole que je vous prêche et vous donne, c'est vie et vérité. Praise the Lord. Alleluia. Abraham is our father is the old. Christ Jean 3:63. Abraham, unser Vater ist vom alten Bund. Jesus Christus, unser Vater ist jetzt im neuen Bund. Le fait que Abraham était notre père, ça c'était dans l'ancien alliance, mais dans la nouvelle alliance, c'est Jésus-Christ qui est notre père. Are you getting it? Yeah. Amen. Jean 6:63. It is the spirit that quickeneth; the flesh profiteth nothing. The words that I speak unto you, they are spirit and they are life. Praise the Lord. Hallelujah. Der Geist ist der lebendig macht. Das Fleisch nützt gar nichts. Die Worte, die ich zu euch rede, sind Geist und sind Leben. C'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert à rien. La parole que je vous ai dite sont esprit et vie. Moses' word and Christ's word are two different words. Das Wort von Mose und das Wort von Jesus Christus sind zwei komplett unterschiedliche. Go to John 1. La parole de Jésus-Christ et la parole de Moïse, ce sont deux choses différentes. Johannes 1. On va lire à Jean 1. John 1, please. Can see the difference between Moses and Christ Jesus. Ich kann noch mal deutlich den Unterschied zwischen Moses und Verse 17. If we want to do this, verse 17. Jean 1, 17, on va voir la différence entre Jésus-Christ et Moïse. Amen. Amen. You see that. Amen. Can you help us, Ralph? Can you help us out? Denn das Gesetz wurde durch Mose gegeben. Die Gnade und die Wahrheit ist durch Jesus Christus geworden. Amen, amen. Car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus Christ. For the law was given by Moses. Praise the Lord. Alleluia. Are you getting it? From Moses gegeben. The Ten Commandments and all other commandments, they were given by Moses. Die 10 Gebote und all die anderen Gebote, die wurden von Mose gegeben. Donc la loi et les 10 commandements ont été donnés par Moïse. You never embrace them and be saved. It doesn't work. Durch diese Gesetze wirst du nicht errettet. À travers ces lois, tu ne peux jamais être sauvé. He said, by grace and truth came by Jesus Christ. Praise the Lord. Alleluia. Jesus, he said, there's a difference between Moses and me. Die Gnade und die Wahrheit ist durch Jesus Christus geworden. Jesus Christus sagt dir ganz deutlich, dass es gibt einen riesen Unterschied zwischen Mose und mir. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Jésus-Christ nous dit ici à travers ça qu'il y a vraiment une grande différence entre lui et Moïse. Amen. The old commandment and the new commandment are not the same. Die alten Gebote und die neuen Gebote sind nicht dieselben. Le nouveau commandement et l'ancien commandement, c'est pas la même chose. Amen. The old and the new. You cannot even miss it. The old is the old and the new is the new. Das Neue und das Alte, das kannst du auch nicht miteinander verbinden. Du kannst es nicht mixen. Das Alte ist das Alte und das Neue ist das Neue. L'ancien et le nouveau, tu peux pas le mélanger. L'ancien c'est l'ancien et le nouveau c'est le nouveau. Amen. Amen. Once it comes to heaven, you can't, you know, it's that the old is over with the old. Jesus came to fulfill the old. That's Matthew 5. Wenn es in den Himmel geht, du kannst nicht das Alte sozusagen mit in den Himmel nehmen. Jesus Christus ist gekommen, um das Alte zu erfüllen. Matthew 5. Donc Jésus-Christ, dès qu'il s'agit, il s'agit de la vérité ou bien du royaume des cieux, tu ne peux pas mélanger le nouveau et l'ancien alliance ensemble. Matthew 5, 17. Matthieu 5, 17. Praise the Lord. Hallelujah. He said, think not that I am come to destroy the law or the prophet. I am not come to destroy but to fulfill. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Because if you do not believe me, you will fulfill it by yourself. It's not destroyed. Are you getting it? But he fulfill it. We depend on who fulfill it. Das Alte, die alten Gesetze, die alten Gebote sind nicht aufgelöst worden. Aber Jesus Christus ist gekommen, um sie zu erfüllen. Wenn du nicht daran glaubst, wenn du nicht an Jesus Christus glaubst, wirst du diese selber versuchen, diese Gesetze zu erfüllen. Und wir glauben an die Person, wir sind abhängig von der Person, wir vertrauen der Person, die diese Gesetze erfüllt hat für uns. Donc, on voit ici que ne croyez pas que, also Matthieu 5, 17, ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes, je suis venu pour abolir, mais pour accomplir. Accomplir. Donc Jésus-Christ, il est venu pour accomplir la vérité. Toi-même, tu vas essayer d'oublier la loi, d'obéir la loi, mais ça sera difficile. Mais au lieu de ça, mieux vaut faire confiance à la personne, la seule personne qui est venue pour accomplir. Praise the Lord. Alleluia. Example, if I give you a credit card and say go to store and buy something, and you go there, and if you refuse to use that credit card, you are, after buying something, you are going to pay by yourself. Als Beispiel, I don't know if you get it. Als Beispiel, wenn du zum Beispiel rausgehen willst und einkaufen willst und ich gebe dir aber meine Bankkarte, wenn du in einem Laden bist und die meine Bankkarte nicht benutzen möchtest, wirst du mit deinem eigenen Geld zahlen müssen. Because somebody must pay the price. Denn irgendeiner muss zahlen. Entweder du oder ich, wenn ich dir meine Karte gegeben habe. Donc aussi, c'est comme si je vous donne une carte de crédit et vous pouvez partir faire du shopping. Et à la fin, quand vous arrivez pour utiliser, il y aura une personne qui devra payer tous ces achats. Ou c'est moi à travers la carte de crédit que je vous ai donnée, ou bien c'est vous-même si vous ne voulez pas l'utiliser. Jesus is the card that paid the price. Amen. Jesus ist diese Bankkarte, die den Preis gezahlt hat. Mais Jésus-Christ, lui, il nous fait voir que c'est lui qui est la carte de crédit qui a tout payé. If you refuse to use him, to follow him, to see him, then you pay yourself. Wenn du dich weigerst, Jesus Christus zu wählen, dich für Jesus Christus zu entscheiden, ihm nachzufolgen, to choose him. Amen. Zu wählen, wenn du dich weigerst, diese Karte zu benutzen, wirst du selbst bezahlen müssen. Jésus-Christ, il s'est donné, donc lui-même, il est la carte de crédit qu'il a donnée. Et si toi, tu refuses d'utiliser cette carte qui est lui-même, tu seras obligé à payer toi-même. Remember, Jesus talked about old wine and new wine. He said, you cannot miss them. Erinnert euch daran, dass Jesus Christus selbst auch über den alten Wein und den neuen Wein gesprochen hat und gesagt hat, dass man diese beiden nicht mixen kann. Rappelez-vous que Jésus-Christ, il a parlé de nouveau vin et d'ancien vin et lui-même, il a dit qu'on ne peut pas mélanger ces deux vins. He's talking about Moses and himself. The laws of Moses and his own. You cannot miss them. Er redet da über Mose und sich selbst, über die Gebote, die von Mose gekommen sind und seine Gebote. Let's go to Mark 10. Quand il nous parle de ça, il nous dit, il veut nous faire voir que les commandements de Moïse et le comment et lui-même Jésus-Christ, on peut pas les mélanger. On va le lire à Marc 10. Praise the Lord. Mm-hmm. Mark 10. Remember that this Mr. Good Master has came to Jesus and said, Good Master. Look at verse 19. Erinnert euch an den Typen, der Jesus Christus Good Meister genannt hat. Okay. Because, you know, under law is what am I going to do? What should I do? It's always what I do, under law. Denn unter dem Gesetz geht es immer darum, was du selber tun kannst. Du wirst dich immer fragen, was kann ich tun für Gott? Was soll ich tun für Gott? Was muss ich noch tun für Gott? Rappelez-vous de cet homme-là qui disait que, qui a appelé Jésus-Christ comme le bon Dieu. Et lui, cette personne-là, il était dans la loi. Et dans la loi, il s'agit toujours de dire que qu'est-ce que moi je peux faire pour l'Éternel. And you can see Jesus, this man came to Jesus and said, what shall I do? It's the same law, under law. He came with Jesus with law. What shall I do? Und wir können sehen, dass dieser Mann that's verse 17. Genauso auch zu Jesus gekommen ist und gefragt hat, was kann ich tun? Are you getting it? Mit dem Gesetz, von dem ich gerade gesprochen habe, ist zu Jesus gekommen. Donc on peut voir aussi que cet homme ici, il a aussi cette mentalité. Il dit que qu'est-ce que je peux faire pour toi? Because law means what you do. That's Moses' law. And it's all about what you do. Christ's law is what Christ did for us. Amen. Denn in den Geboten von Jesus Christus geht es in den Geboten von Mose geht es nur darum, was du tun kannst. Aber bei den Geboten von Jesus Christus da geht es darum, was er für dich getan hat. Et dans le commandement de Jésus-Christ, il s'agit de ce que dans le commandement de Moïse, c'est toujours de que, qu'est-ce que toi tu peux faire pour l'être humain, pour Jésus-Christ, pour Dieu en fait. Mais dans le commandement de Jésus-Christ, dans la nouvelle alliance, il s'agit de qu'est-ce que lui il peut faire pour toi. Look at verse 19, please. Schaut euch Vers 19 an. He said, I don't know where the commandments. Commandment of Moses. Die Gebote von Mose. You know the commandment of Moses. Do not commit adultery. Do not kill. Do you see that? Do not steal. Do not be a false witness. Defraud not. Honor your father and your mother. Is there? Amen. Amen. And this man said, and he answered and said unto him, Master, all this I have observed from my youth. But upon all, I still need to do something. Und dennoch muss ich etwas tun. Are you getting it? Donc lui ici il dit que j'ai tout obéi, j'ai tout fait, ce qu'on m'a recommandé, mais c'était pas suffisant. Qu'est-ce que je dois encore faire? Praise the Lord. Hallelujah. He said he obeyed all from his youth. Er hat alles befolgt von Jugend an. Moses law. Il a dit que il a suivi, il a obéi les commandements de Moïse dès sa jeunesse. Amen. Amen. You always say he obeyed Moses' commandment from the youth. But verse 21. Then Jesus, beholding him, loved him, and said unto him, What thing thou lackest? You obey all, but you still lack. Are you getting? Du hast alles befolgt, aber dennoch mangelt es dir an etwas. Jésus-Christ a dit que tu as tout suivi. Tu as tout obéi, mais il y a toujours une chose qui manque. Jesus is saying you lack my commandment. Jesus sagt, dir mangelt es an meinem Gebot. Jésus-Christ dit que toi, tu manques mes commandements. Praise the Lord. You obey all, but you lack mine. Du hast alles befolgt, aber dir fehlt es an meinem Gebot. Tu les as tout obéi, mais c'est sans mes commandements qui te manquent. Obey Christ's commandment is obeying Moses' commandment. Obey Moses' commandment is never obeying Christ's commandment. Wenn du das Gebot von Jesus befolgst, haben wir die Gebote von Mose schon befolgt. Aber wenn wir die Gebote von Mose versuchen zu befolgen, haben wir nichts befolgt. En fait, erfüllt, genau. En fait, que si tu as obéi les commandements de Jésus-Christ, là, tu as aussi directement Bon, tu as aussi obéi, accompli les commandements de Moïse. Mais si tu essaies d'accomplir les commandements de Moïse, tu n'as rien accompli. Amen. Mm-hmm. Obeying Moses' commandment is inside Christ's commandment. Moses, Gebote sind in dem Gebot von Christus. Le commandement de Moïse, c'est dans le commandement de Jésus-Christ. Amen. Amen. And that's why once you obey Christ's commandment, it's automatic you obey Moses' commandment. Deswegen, wenn du das Gebot von Mose, von Christus gehalten hast, hast du damit schon gleichzeitig das Gebot von Mose gehalten. Et c'est pour cela, si tu as obéi le commandement de Jésus-Christ, là tu as aussi directement aussi obéi le commandement de Moïse. It's like the word of God and the truth. Wie das Wort Gottes und die Wahrheit, das was Christus die Wahrheit nennt. C'est comme la parole de Jésus-Christ et la vérité, c'est que Jésus-Christ appelle vérité. A lot obey the word of God, but they never obey the truth. Viele befolgen das Wort Gottes, aber nicht die Wahrheit. Il y a beaucoup de gens qui sont en train de suivre la parole de Jésus-Christ, de Dieu, mais pas la vérité. Once you obey the truth, you obey the word. Wenn du der Wahrheit gehorcht, hast du auch schon dem Wort gehorcht. Parce que si tu obéis la vérité, là tu as aussi, aussi obéi la parole. Moses' voice is what I do. Moses' voice is die Stimme von Moses sagt, das was ich tue. What I'm going to do. Die Stimme von Mose, da geht es um das, was ich tun werde. Dans la voix ou bien dans la parole de Moïse, il s'agit de ce que moi je peux faire. Christ's voice is what Christ did for you. Aber die Stimme von Christus, da geht es um das, was Christus für dich getan hat, das fertige Werk von Christus. Amen. Mais ce que Jésus-Christ peut faire pour toi, c'est l'accomplissement. Amen. De son œuvre. Moses' voice is doing good things. Aber die Stimme von Moses gute Werke zu vollbringen, das was diese Welt gut nennt. La parole de Moïse, c'est ce que c'est que le monde appelle bien et bon. Amen. Amen. Moses' voice is obeying. He's doing good things. Adopted children. Die Stimme von Mose ist gute Dinge zu tun. Send money to Ukraine to fight, so that people can fight. And the other side, you know that it's more is better than the other. Betroffene zu schicken an good of this world. Die Leute zu unterstützen, die besser aussehen oder die bei denen du meinst, dass sie auf der richtigen Seite stehen, die zu unterstützen, das ist das Gute bei dieser Welt. Le bien de ce monde, c'est que toi tu peux faire pour les autres, c'est que tu dis que ok, je vais aider les gens qui sont dans la guerre ou bien les veuves ou tout ça, on appelle le bien de ce monde. Amen. Remember what this world called good. Erinnert euch an das, was diese Welt gut nennt, das Gute dieser Welt. Für die Armen da zu sein. Rappelez-vous de ce que Jésus-Christ appelle le bien de ce monde. How am I going to help the poor? Wie kann ich den Armen helfen? Comment pourrais-je aider les pauvres? Be there for the widows. Für die Witwen da sein. Comment pourrais-je être là pour les veuves? Are you getting it? What this world called widow? Das, was diese Welt die Witwen nennt. C'est que ce monde appelle. It's not what Christ called widow. Ist nicht das, was Christus Witwe nennt. C'est pas ce que le Christ appelle veuve. What this world poor. Was diese Welt arm nennt, ist nicht das, was Christus arm nennt. C'est que le monde appelle pauvre, c'est pas ce que Jésus-Christ appelle pauvre. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. In Mark 10 again, please. Markus 10. This man said, I have done all. Der reiche Jüngling hat gesagt, dass er alles schon getan hat, das ist gut dieser Welt, das habe ich schon alles gemacht. Donc c'est que lui il a dit que le bien de ce monde c'est tout ce que moi j'ai déjà fait. I have honored my father and my mother. Ich habe meine Eltern geehrt. J'ai vraiment honoré mon père et ma mère. Are you getting it? I've done all. Ich habe alles getan. From my youth. Von Jugend an schon. Amen. Amen. They are what this world called good. Und das ist das, was diese Welt gut nennt. Religion, what they will say is very good. Religion befürworten würde. C'est que la religion va aimer. Amen. Amen. In Luke 14, Jesus was said, hate all. In Lukas 14 sagt Jesus, hasse alles. Dans Luc 14, Jésus-Christ a dit, déteste tout. Amen. Amen. Praise the Lord. Amen. Jesus' word. Jesus said, hate all, including, go there. Let's go to John, Luke 14, please. Lukas 14, Jesus spricht Luke davon, 14. Dinge zu hassen. Lukas 14. Luke 14, Jésus-Christ dit de tout détester, on va le lire ensemble. Luke 14. Praise the Lord. Hallelujah. You know, we just read that Moses said, honor your father, honor your mother, honor this. Do this, do this. But here Jesus is saying in verse 26. 26. Wir haben gerade gelesen, dass Mose gesagt hat, wir sollen unsere Eltern ehren. Aber schaut euch Lukas 14, Vers 26 an. On vient de lire que Moïse, Jésus-Christ a dit qu'on doit, il a cité la loi de Moïse quand Moïse a dit qu'on doit honorer nos parents. Maintenant, on va lire Luc 14, 26 et voir ce qu'il a dit concernant ceci. Verse 26. If any man come to me, I hate not his father. Praise the Lord. Hallelujah. No, parents hate this very place. Aber Eltern, they want to slap Jesus for it. Gefällt diese Stelle nicht. Sie würden Jesus sogar lieber dafür eine Ohrfeige geben. Na, das, weil sie sich dadurch entehrt fühlen. Nach dem Motto, okay, aber ich habe doch dieses Kind getragen, ich habe doch auf dieses Kind aufgepasst, ich habe doch mein ganzes Leben diesem Kind hergegeben, aber Jesus sagt dir ganz klar, es geht hier nicht um Eltern, sondern um mich. Amen. Ici, Jésus-Christ dit que si quelqu'un vient à moi et ne déteste pas ses parents, et ça nous fait voir que il y a des parents ici, ils n'aiment pas ce verset biblique parce qu'ils disent que moi, j'ai tout fait pour mes enfants, j'ai sacrifié ma vie, j'ai fait ceci, cela, et Jésus-Christ veut dire qu'il a à me détester, il doit me détester. It's like Jesus that said to that man, honor your parents. The same is saying here, if any man come to me and hate not his father and mother and wife and children and brethren and sisters, yea, and his own life also, he cannot be my disciple. Mm. Ooh, praise the Lord. Amen. Amen. Amen. Ici, Jésus-Christ dit que si quelqu'un vient à moi et s'il n'est pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même sa propre vie, il ne peut pas être mon disciple. Donc ça signifie que tu dois tout détester et suivre que Jésus-Christ. Amen. Amen. He said, hate all, including your parents, including yourself. Er sagt, hasse alles, deine Eltern, aber auch dich selbst. Il dit que tu dois détester tout, tes parents, même toi-même, tu dois te détester. The old is honor your parents. Das alte ist ehre deine Eltern. Mais dans l'ancien, il s'agit de honorer tes parents. The new is honor Christ. Das neue ist ehre Christus. Mais dans le nouveau, il s'agit de honorer Jésus-Christ lui-même. Praise the Lord. Hallelujah. But you know, the Lord wants you to honor Christ, but you first of all honor him. And he will now honor your parents. Möchte, dass du deine Eltern, möchte, dass du ihn ehrst. Und wenn du ihn ehrst, dann kannst du auch deine Eltern ehren. L'Éternel Jésus-Christ, lui, il veut d'abord que tu puisses honorer, que tu puisses lui honorer. Et si tu honores Jésus-Christ, là, tu es capable d'honorer aussi tes parents. Are you getting it? You know, the Lord does not want you to. You know, say, you know, we read your hate, hate this. He's not. Because you cannot serve two masters. Don't let true power control the earth, everything here. Christ or Satan. Mm. You see that Christ honoring your parents or Satan is honoring them. Yeah. Und wir dürfen halt nicht vergessen, hier geht's halt um zwei Mächte. Es geht darum, dass du halt nicht zwei Herren dienen kannst. Weil entweder wird der Satan, wirst du deine Eltern ehren, indem der Satan durch dich hindurch deinen Eltern Ehre gibt. Oder du lässt zu, dass Christus deinen Eltern Ehre gibt durch dich hindurch. Es sind diese zwei Mächte, für die du dich entscheiden musst. Donc tu dois comprendre qu'il n'y a que deux puissances ici sur terre. Ou tu aimes tes parents à travers l'amour ou bien la puissance de l'Éternel, de Jésus-Christ. Mais ça marche seulement si tu vois, tu es en train d'abord de suivre Jésus-Christ et pas de suivre tes parents. Ou tu aimes tes parents à travers la puissance du diable. Mais c'est quand tu aimes tes parents, tu honores tes parents directement sans suivre l'Éternel. If you honor your parents according to the world system, according to religion, it's Satan that is working. Wenn du deine Eltern ehrst nach dem System dieser Welt, nach dem System der Religion, dann ist es der Satan, der durch dich hindurch wirkt. si toi tu aimes tes parents à travers la à travers le système de ce monde là, c'est le diable qui est en train de honorer tes parents à travers tu es en train d'honorer tes parents à travers le diable. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Amen. Amen. Hmm. Except you allow Christ to be number one, you honor Christ, then Christ will not honor your parents through you. Du ehrst erstmal Christus Goto. Und dann kann Christus deine Eltern durch dich hindurch ehren, weil du dann deine Eltern in Wahrheit ehren kannst und nicht mehr verfälscht mit der Liebe dieser Welt. Donc c'est toi qui choisis d'abord Jésus-Christ et oui, c'est Jésus-Christ qui honore tes parents à travers toi. On va lire Jean 5, 23. Johannes 5, 23. 23, please. He said that all men should honor the Son, even as they honor the Father. He that honoreth not the Son, honoreth not the Father, which has sent him. Praise the Lord. Amen. Amen. Not the difference between the old and the new. Kenne den Unterschied zwischen dem alten und dem neuen. To live in heavenly so world. Leben wir in der himmlischen Welt. Jésus Christ nous dit que celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas aussi le Père. On doit apprendre à comprendre la différence entre l'ancien et la nouvelle alliance. It is a must that you must know the difference between the old and the new. Es ist wichtig, dass du den Unterschied zwischen dem alten und dem neuen kennst. C'est vraiment essentiel de comprendre la différence du nouveau et de l'ancien. Remember the old Sabbath. Erinnert euch an den alten Sabbat, da ging es um einen Tag. Friday or Saturday or Sunday. Friday. Your Sabbath, you got it. The new Sabbath is Christ. Aber der neue Sabbat ist Christus Jesus. Christus unser Sabbat. Avant le Sabbat, dans l'Ancien Testament, c'était vendredi. Mais aujourd'hui, c'est le Christ. A lot still follow it today. Viele Leute folgen dem noch. Il y a beaucoup de gens qui continuent à le suivre. C'est naturel. Amen, Saturday. Amen, c'est Friday. Somebody just said. Friday. Samstag Abend. Praise the Lord. Hallelujah. We now have our Sabbath. The Lord said He is our Sabbath. Wir haben jetzt Jesus. Jesus ist unser Sabbat. Mais maintenant, on a le nouveau Sabbat, c'est Jésus-Christ. Amen. Please know the difference between all. There are so many. There are many. The circumcision, the old circumcision and the new circumcision. Kenne bitte den Unterschied zwischen den alten Dingen, 2, die alte Beschneidung, die neue Beschneidung, Römer 2. On doit connaître la différence entre la nouvelle et l'ancien circumcision. Romains 2, verset 29. Romains 2, verset 29, on va le lire là-bas. Römer 2, 29. Praise the Lord. Who help us to read? Yes, Susie Schatz. Sondern der ist ein Jude, der es innerlich ist, und seine Beschneidung geschieht am Herzen, im Geist, nicht den Buchstaben. Eine Anerkennung von nicht von Menschen, sondern von Gott. Praise the Lord. Hallelujah. Is somebody getting it? Mm-hmm. You know what is here. Versteht ihr, was hier ist? Mais le juif, c'est celui qui est intérieurement, et la circoncision. C'est celle du cœur selon l'esprit et selon de la lettre. La louange de ce juif ne vient pas des hommes mais de Dieu. He said, but he is a Jew which is one inwardly. The Jew is only the inwardly Jew, not the natural. Well, not what the flesh called the Jews. They are fake. Hier ist zum Beispiel dieser Gegensatz zu den natürlichen Juden und den geistlichen Juden. Ne? Die geistlichen Juden sind die, die es innerlich sind. Ici, on voit que le vrai juif, ce sont les juifs qui sont spirituellement juifs, donc ce ne sont pas seulement les juifs naturels. Praise the Lord. Hallelujah. Are you getting it, please? Mm. Amen. It's not very popular. It's not popular. Amen. Fake Jews. Falsche fake Juden. Israel. Ein falsches Israel. The true Israel, they are God's children. Das wahrhaftige Israel. Through Christ. Ist, through Christ. Sind die Kinder Gottes durch Jesus Christus. Donc les Juifs naturels, ce sont des faux Juifs, parce que les vrais Juifs, ce sont les enfants d'Israël, ce sont les enfants qui sont spirituellement nés de nouveau, les enfants de Dieu. He is a Jew, which is one inwardly. And circumcision is that of the heart, and the spirit, and not in the latter. Whose praise is not of men, but of God. The circumcision is no longer the cutting of the body. Diese Beschneidung ist nicht mehr das, die Beschneidung am Fleisch. La nouvelle circoncision, c'est pas quand on te coupe la chair. C'est de, ça marche dans l'esprit. Denn alles von dem Alten, es ist sozusagen ein Schatten von dem Wahrhaftigen, was wir jetzt offenbart bekommen haben durch den Heiligen Geist. Toute chose de l'ancien, c'est seulement une ombre de nouveau ce que l'Éternel est en train de nous révéler à travers le Saint-Esprit. So also the old commandment and the new commandment. Genauso auch das alte Gebot und das neue Gebot. Tout comme le nouveau et l'ancien commandement. We just read Mark 10. Wir haben eben Markus 10 gelesen. On venait de lire Marc 10. Amen. Where somebody said, you know, he obeyed Moses' commandment upon all it was not enough. Wo jemand behauptet hat, das Gebot von Mose gehalten zu haben, vollkommen, aber es hat dennoch nicht gereicht. Là où quelqu'un a dit qu'il a tout obéi, tous les commandements, mais ça n'a pas suffi. Amen. John 4, Jesus said, if you drink my water, you never taste again. In Johannes 4 sagt Jesus, wenn du von meinem Wasser trinkst, wirst du niemals wieder durstig sein. Amen. Dans Jean 10, Jésus-Christ dit à quelqu'un, si tu bois mon eau, tu n'auras plus jamais soif. Praise the Lord. Hallelujah. Go to John 4. Quickly go there. Johannes 4. On va le lire à Jean 4. Amen. Amen. Amen. You never come to Christ and still be hungry. Du kommst niemals zu Christus und bleibst hungrig. Tu ne peux pas venir vers Jésus-Christ et rester affamé. He said, you're hungry. If you are hungry, I will feed you. Er sagt, wenn du hungrig bist, werde ich dich satt machen. Parce qu'il dit que si toi tu as faim, moi je veux te nourrir. Je if te... you are hungry of me. Wenn du hungrig bist nach mir, sagt Jesus. I'm not hungry of religion. Aber nicht hungrig nach Religion. Si tu as faim de moi et pas faim de la religion. Verse 13 of John 4. 13. Verset 13. Johannes 4, 13. Jean 4, verset 13. This woman, Jesus told this man, this woman to give him water. Jesus hat zu dieser Frau gesagt, gib mir bitte was zu trinken, gib mir Wasser. Jésus-Christ a dit à cette femme de lui donner. First of all, verse 10. Let's read verse 10. Wir lesen ab Vers 10. On va lire verset 10. Jesus answered and said unto her, if thou knowest the gift of God, and who it is that says to thee, give me to drink, thou wouldst have asked of him, and he would have given you living water. Mm-hmm. Praise the Lord. Hallelujah. Then verse 13. Vers 13. Verset 13. Jesus answered and said unto her, whosoever drinketh of this water shall taste again. Mm-hmm. Whosoever that, you know, obey 10 commandments, you will still lack. Wer auch immer diese 10 Gebote versucht zu halten, wird immer noch im Mangel leben. Donc ça signifie que chaque personne qui va toujours essayer de vivre à travers l'ancien commencement va toujours ça va tu vas toujours manquer quelque chose. It means if you walk beside, you will still lack. Das heißt, wenn du per Sicht wandelst, wirst du immer Mangel leben. Ça signifie que si tu manges à travers, tu marches à travers la vue, tu auras toujours une manque. If you walk, but I want to see my result. I want to see a pass like that. I will pass more than that. You will lack. You are living in lack. Nach deinen Ergebnissen, you will lack. Wandelst und unbedingt die Sachen sehen willst, um sie mit anderen Leuten vergleichen zu können, um dich beweisen zu können, um anderen was beweisen zu können, dann wirst du immer wieder im Mangel leben. On doit voir que, on doit savoir que on n'est pas en train de vivre dans une compétition avec quelqu'un, parce que si tu continues à voir ce que tu as ou bien si tu ne possèdes pas, tu vas vivre dans le manque. Amen. Amen. And I'm not after they will see my victory. They will see my victory. I want them to come to Christ. And that is what I'm after. Wir müssen halt auch erkennen, dass wir nicht da im Wettbewerb sind mit Menschen. Na, mir geht es nicht darum, uns geht es sollte nicht darum gehen. I know they will come here. I know they must surely see, but I'm not after that. I don't even think of it. What I'm after is that they come to Christ and know Christ and have a relationship with him. Amen. Die Leute werden natürlich sehen, werden die Gutmütigkeit des Herrn in deinem Leben auf jeden Fall auch sehen. Ne? Sie werden sehen, wie es dir geht. Aber dennoch geht es dir nicht darum, dass die Leute sehen, dass es dir gut geht. Dir geht es darum, dass die Leute zu Christus kommen. Et oui, c'est vrai, c'est sûr que eux, ils vont voir notre victoire aussi se manifester. Mais on ne doit pas être derrière cette victoire. On doit avoir une autre motivation. Et notre motivation doit être que ces personnes doivent aussi être sauvées et connaître la vérité. Amen. Amen. You want them to see your victory. Give them Christ. That's your victory. Du willst, dass die Leute deinen Erfolg sehen, aber dein Erfolg ist Jesus Christus. Gib ihm Jesus Christus. Nichts ist größer als Jesus Christus. Zeig ihm das. Toi, tu veux voir la manifester. Tu veux qu'il puisse voir ta il puisse voir une manifestation, mais toi fais-le voir ta victoire. Ta victoire, c'est Jésus-Christ, parce qu'il n'y a rien qui est plus grand que Jésus-Christ. But you because you believe that the manifestation of your victory, pass or fail, the manifestation of your pass is bigger than Jesus. You are expecting that. You are expecting it. You keep on expecting it. Aber weil du eben denkst, dass die Manifestation deines Erfolges, beispielsweise die bestandene Prüfung, das gebaute Haus oder das neue Auto, dass deine Ehe, deine Kinder bekommen. Du denkst halt, dass das größer ist als Christus haben. Deswegen willst du das unbedingt haben, um es den Leuten zu zeigen. Aber das zeigt ja nur, wie zweigeteilt dein Herz ist. Tu veux avoir, obtenir des choses, tu veux les manifestations, tu veux montrer que tu as quelque chose, tu as un bon travail ou bien une femme et des enfants, mais ça fait voir que toi tu es plein de toi-même, tu veux faire voir ce que tu as, mais tu ne veux pas, ça signifie pas que tu veux que les gens puissent venir vers le Christ. Verset 14. But whosoever drinketh of the water that I shall give him shall never thirst. But the water that I shall give him shall be in him a well of water springing up into everlasting life. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Amen. Amen. Remember Nicodemus. Erinnert à Nicodemus. Rappelez-vous à Nicodème. Amen. The leader. Their leader. Der religiöse Leiter. Il était un chef. Oui. Amen. Religieux. You know, you can, religion can, praise the Lord. Hallelujah. Let's look at it a little bit. John 3. Johannes 3. On va lire Jean 3. John 3. The religious people. Die religiösen Menschen. Les gens religieux. You know, they will want to prove that they know the Bible. Sie wollen beweisen, dass sie die Bibel kennen. Et ils veulent prouver qu'ils connaissent la Bible. The Bible said they always read, but they never accept the truth. Die Bibel sagt, sie lesen und lesen, aber sie kommen nicht zur Erkenntnis. La Bible nous dit qu'ils sont en train de lire et lire, mais ils connaissent pas la, ils comprennent pas la vérité. Praise the Lord. Hallelujah. You know who can be religious as this man? Wer kann religiöser sein als Nicodemus? Qui pouvait être plus religieux que Nicodème? Or who can be religious more than even Paul? Oder when he was Saul? Religiöser sein als Paulus, als noch Saulus hieß? Mm-hmm. Ja. Et qui pouvait être encore plus religieux que Paul qui était Saül avant. Amen. They were so deep in it. Sie waren so verwurzelt in der Religion. Ils étaient vraiment trop racinés dans la vérité. But the difference was Christ Jesus. Amen. Aber Jesus Christus macht den Unterschied. Mais la différence, c'est Jésus-Christ qui a fait la différence. If we read somewhere, I'll quickly read. There was a man of the Pharisees named Nicodemus. Are we there, please? A ruler of the Jews. Johannes 3, Vers 1. A ruler of the Jews. Ein Oberster der Juden. Der Oberchef. So religious. So religiös. Donc il y avait Nicodème, un chef des Juifs. Il était très religieux. Verse 2. The same came to Jesus by night and said unto him, Rabbi, we know that thou art a teacher called from God. For no man can do these miracles that thou doest except God be with him. Jesus answered and said unto him, Verily, verily, I say unto thee, except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Praise the Lord. Hallelujah. To be born again is not just making up. Wiedergeboren zu sein ist nicht etwas, was man sich ausgedacht hat. Ist nicht ein nettes Ritual, was man sich ausgedacht hat, damit man das nachvollziehen kann, sondern es steht hier wirklich, es geht wirklich um die Wiedergeburt hier. Ici on dit que si un homme n'est pas né de nouveau, il ne peut pas voir le royaume de Dieu. Donc ici, c'est la Bible qui nous fait voir qu'être né de nouveau, ce n'est pas une chose que nous, on a inventée. Amen. Amen. Ça existe vraiment. Il dit, you cannot see. Il dit, non, c'est, you cannot enter. Du kannst du musst es aber sehen können, bevor du eingehen kannst. Donc ici, il dit que tu ne peux pas voir, mais tu dois d'abord le voir avant d'entrer. If you are saved, you have prayed the prayer of salvation, you can see. Wenn du that you cannot enter. It is through the baptism of the Holy Spirit, and the Holy Spirit helps you to enter. Aber wenn du errettet bist, wiedergeboren bist, kannst du das Königreich sehen. Aber eingehen in das Königreich kannst du erst durch die Taufe des Heiligen Geistes. Mais toi, tu peux d'abord voir, tu peux, si tu es né de nouveau, tu peux voir le royaume des cieux, mais y entrer, ça, tu peux entrer seulement à travers le baptême du Saint-Esprit. You know, Moses, he saw the promised land, but he did not enter. Mose beispielsweise, er hat das verheißene Land gesehen, aber konnte nicht in das verheißene Land eingehen. Moïse, par exemple, il pouvait voir la terre promise, mais il ne pouvait pas y entrer. There's a difference between somebody seeing this house and entering inside into this house. Es gibt einen Unterschied zwischen jemand, der dieses Haus gesehen hat, und jemand, der in diesem Haus drin lebt. Il y a une différence entre une personne qui a vu cette maison et une différence entre une personne qui est entrée dans cette maison. Nicodemus said unto him, how can a man be born when he is old? Can he enter? You know, that is the question. You know, the same question people will believe as he asks. If they ask me if I pass, what am I going to say? How am I going to explain it? If they ask me, where is my husband? How am I going to say it? Are you getting it? They ask me, show it. You have him. Und Nikodemus spricht hier, wie show kann man Christ. Halt nochmal geboren werden. For you. Is somebody getting it? Nikodemus fragt halt hier, wie man nochmal hier wiedergeboren werden kann, also nochmal in den Schoß seiner Mutter gehen kann. Und genauso kannst du dich selbst fragen, okay, was ist, wenn sie mich fragen, wo mein Ehemann ist oder wo meine Kinder sind oder wo mein Abschluss ist? Wie soll ich da antworten? Mhm. Ja, das Geist, werden sie das überhaupt geistlich verstehen können, nachvollziehen können, was ich damit meine? Mhm. Aber du hast Christus und das ist das, was du weitergibst. Mhm. Par exemple, si les gens te demandent, est-ce que tu as été marié, t'as des enfants, t'as tes résultats, c'est vrai? Et si ils sont en train de douter, mais si ils veulent, ils te demandent de faire voir, oui, fais-les voir Jésus-Christ, parce que c'est lui ta victoire. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. You can see that this man, upon all the religion, that he, you know, a ruler, knew nothing about the kingdom of heaven. Obwohl dieser Mann ein Oberster der Juden war, der Religion war, wusste er nichts vom Königreich. Er wusste nichts von Jesus Christus. Ici on voit que Nicodème, malgré sa position, qu'il était très religieux, il savait rien de Jésus Christ. I will be surprised if Pope know what born again is today. Ich würde mich wundern, wenn der Papst weiß, so was es bedeutet, wiedergeboren zu sein. Okay. Moi, je serais si surprise si le Pape savait qu'est-ce que ça signifie être né de nouveau. Are you getting it? Mm-hmm. Look at your father here, did not even know it. How much money? Hier sehen wir, wie der Oberste der Juden das noch nicht mal weiß. Dann wird der Oberste heutzutage in der Religion ist wahrscheinlich auch nicht wissen. Ici on voit que les chefs vraiment religieux ici les Juifs Nicodème ne le connaissait pas, ne savait pas comment qu'est-ce que ça signifie être né de nouveau. Combien de plus le pape par exemple aujourd'hui. You can see the question he's asking. Ist die Frage, die er stellt. Eine sehr fleischliche Frage. Et on peut voir la question qu'il a posée ici. C'était vraiment une question vraiment charnel et bizarre. Verse 5, Jesus answered verily, verily, I say unto you, except a man be born of water and of the Spirit, he cannot enter into the kingdom of God. Amen. That which is born of the flesh is flesh. Are you getting it? Mm. Look at it. Verse 6, who will help us? Felix, can you help us to read verse 6? Was aus dem Fleisch geboren ist, das ist Fleisch. Was aus dem Geist geboren ist, das ist Geist. Praise the Lord. Amen. You can see two beds here. He's talking about two beds. Geburten. Ici, on voit qu'il y a deux naissances. He said that which is born of the flesh is flesh. Amen. Once you are born into this world by your parents, you are born of the flesh. Wenn du geboren bist durch deine Eltern hier in diese Welt, bist du aus dem Fleisch geboren. Il dit que ce qui est charnel, qui est né de la chair, est chair. Donc si tu es né de tes parents, tu es charnel, tu es chair. And that which is born of the spirit is spirit. Und das, was aus dem Geist geboren ist, ist aber Geist. Par contre, ce qui est né de l'esprit est esprit.